C'était un empire immense, celui d'une dynastie turque venue des confins de l'Asie mineure, combattant de l'islam, les Ottomans. L'Empire ottoman au XIXe siècle, comment retrouver la grandeur ? Que pense-t-on de la Turquie dans les contrées d'où tu viens ? Que c'est un pays en retard de 2 ou 3 siècles où règne la corruption la plus éhontée. Je voudrais vous aider à faire de votre merveilleux empire un pays propre. Et il me semble que nous pourrions commencer par introduire ici l'instruction publique, l'hygiène et l'électricité. Toutes ces réformes ne serviront à rien, votre grandeur, si vous n'agissez pas contre les fonctionnaires qui vous volent sans arrêt et qui sont aussi nuisibles que les chiens qui rôdent dans Constantinople. Qu'est-ce que tu dis ? Que vous êtes outrageusement berné. Ça, je le sais, mais tu parlais des chiens. Que leur reproches-tu ? Les chiens donnent quelque chose de gai, de vivant à la ville. Pour tout vous avouer, j'aimerais mieux m'attaquer aux autres chiens dont je viens de vous parler. Ça m'amusera bien davantage. Nous allons essayer. La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter. La question aujourd'hui, comment se départir de ces clichés, de ce regard traditionnel du reste de l'Europe sur l'Empire ottoman ? Et avec nous, Odile Moreau, bonjour. Bonjour. Qui a publié, après une thèse sur le sujet, moult ouvrages sur les Ottomans au XIXe siècle. Le dernier vient de paraître, c'est tout chaud, tout frais, aux éditions Armand Collin. On vous a regardé de haut quand vous avez commencé à vous occuper d'études ottomanes ? Les études ottomanes avaient nettement moins le vent en poupe il y a quelques décennies que maintenant. Et donc les études qui étaient consacrées étaient celles sur l'histoire de la Turquie républicaine. Mais c'est absolument incontournable d'aller regarder ce qui s'est passé dans le siècle précédent pour mieux comprendre, y compris le XXe et le début du XXIe siècle. Alors vous êtes une actrice de ce changement de regard. Tenez, est arrivé ce matin, on n'a pas pu en rendre compte avant-hier, un numéro spécial sur Soliman le Magnifique, signé Historia. Alors justement, au XIXe siècle, ça c'est un leitmotiv de vos livres, l'Empire ottoman se sépare de la nostalgie de l'âge d'or et regarde vers le futur. Oui, donc c'est vraiment le tout début à partir de la fin du XVIIIe siècle où l'Empire ottoman donc ne regarde plus vers le XVIe siècle et donc le règne de Soliman le Magnifique pour essayer de reconstruire cet âge d'or de cette époque-là, mais a fait le deuil justement d'un certain nombre de notamment de pertes territoriales et il me semble que le déclic le plus important arrive dans le dernier quart du XVIIIe siècle à l'issue donc d'une guerre entre l'Empire ottoman et la Russie, donc la Russie qui est montée en puissance au XVIIIe siècle et qui devient vraiment donc un compétiteur très sérieux et très menaçant pour l'Empire ottoman. Donc à partir du traité de 1774 s'ouvre ce que les puissances européennes vont appeler la question d'Orient. Alors la question d'Orient, ce sont tous les développements diplomatiques et militaires qui ont lieu entre 1774 et donc la fin de l'Empire ottoman, la proclamation de la République de Turquie en 1923. Interaction donc de plus en plus grande entre le reste de l'Europe et l'Empire ottoman, dont témoigne l'échange d'ambassadeurs permanents, il n'y en avait pas avant. Oui, tout à fait. C'est le sultan Selim III qui va inaugurer des ambassades ottomanes permanentes. Donc auparavant, des ambassades étaient dépêchées. Mais donc à titre temporaire pour conduire des missions particulières et ça rend aussi compte de la modification donc de la perception du monde des Ottomans parce qu'auparavant donc concevait le monde entre le Dar al-Islam et le Dar al-Harb et justement il n'était pas question de d'établir des ambassades permanentes ottomanes à l'étranger alors que des ambassades européennes des pays avec lesquels l'Empire ottoman avait des relations donc amicales ont été ouvertes depuis fort longtemps à Istanbul. L'interaction, ça a aussi des inconvénients. Il y a toujours eu des frictions entre populations dans l'Empire ottoman. Les révoltes prennent un tour de plus en plus nationaliste au début du XIXe siècle. En témoigne la révolte de la Grèce et les puissances du reste de l'Europe et leurs opinions publiques jouent un rôle déterminant dont l'Empire ottoman doit tenir compte. Tout à fait, il s'agit justement d'une internationalisation, donc de questions qui sont donc internes à l'Empire ottoman, et c'est ce qu'on a appelé justement les fameuses crises d'Orient. Donc au XIXe siècle, on a une dimension tout à fait particulière de ces nouvelles crises qui ne vont plus simplement revendiquer pour payer moins d'impôts, etc., plus de justice, mais là avoir donc des ambitions donc autonomistes, voire indépendantes, et on est dans un registre qui est sans pareil par rapport au 18e et au passé. Alors, on va quand même pas dissimuler les faiblesses de l'Empire ottoman. Dans l'extrait qu'on a entendu en ouverture, on voyait les Occidentaux se moquer des fonctionnaires. Les militaires... Alors, la vieille institution des janissaires a fini par constituer des rebelles permanents. Les janissaires qui sont nombreux et qui sont censés défendre l'Empire se rebellent contre toute initiative réformatrice qui pourrait surgir. Oui, justement, après ce fameux traité de Kutchuk-Karinagar, il y a une prise de conscience qu'en fait, la défense de l'Empire est absolument donc inadéquate, et que cet outil militaire ne remplit pas ses fonctions tant vis-à-vis des agressions extérieures, mais y compris pour contrôler les provinces. En gros, on est dans une situation qui est extrêmement troublée dans l'Empire ottoman, et donc certains historiens parlent même d'une forme, entre guillemets, de décentralisation de l'Empire entre 1768 et jusqu'à l'abolition du corps des janissaires en 1826. Qui ont 1826, le sultan, il s'appelle Mahmoud II, décide de l'extermination programmée des janissaires dans une vaste mise en scène. Il y a une continuité dans nos émissions. Hier, l'invité était Edem Eldem. Le voici racontant, quand il dit « il », c'est des janissaires qu'il parle, la révolte telle qu'elle a été organisée au fond et utilisée par le sultan en 1826. Depuis 100 ans, dans les guerres où ils ont marché, ils ont cherché à couvrir de 1000 prétextes vains et mensongers leur indiscipline et la honte de leur dispersion et de leur fuite devant l'ennemi. Ce sont des traîtres à la nation, ce sont des couards, ce sont des soldats qui ne font plus ce qui était leur mission au départ, ils se sont en quelque sorte trahis eux-mêmes. Et donc, continue la proclamation, la nuit du jeudi suivant, donc 15 juin 26, les janissaires se sont soulevés, se sont portés d'abord à l'hôtel du janissaire Ingain, puis à la porte et ensuite à d'autres lieux qu'ils ont pillés. Ils ont ensuite mis en pièces à coups de couteau le Coran. Ils ont tourné contre le gouvernement mahométan les armes qui leur avaient été données pour faire l'exercice voulu par la loi, et ils ont été marchés contre leur souverain. À l'instant même, tous les cheikhs d'islam, anciens et actuellement en charge, vizirs, oulémas, ministres et autres officiers de la Sublime Porte, enfin la généralité des musulmans, donc on va au-delà de la Sublime Porte, on parle de la communauté des musulmans, l'Ummet, se sont transportés au palais de sa hôtesse, ont pris le Sanjak Sherif, donc l'étendard du prophète, l'ont porté à la mosquée du sultan Ahmed, on a fait publier par des crieurs publics que tout musulman eut à venir se ranger sous l'étendard sacré pour y trouver la protection du livre de Dieu et de sa loi. Ordre a été donné de marcher contre eux et le feu a été mis à leur caserne. Moralité, ils méritent l'écrabouillement. Mais on peut même employer le mot extermination, Odile Monroux. Oui, c'est la politique de la table rase. Les janissaires ont justement tellement résisté à la mise en place d'un nouvel ordre, ce nouvel ordre, ce Nizami Djedid qui a essayé de mettre sur pied donc Selim III à la fin du XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire des troupes modernes, une infanterie armée donc de type moderne, et à terme essayer de mettre sur pied donc une conscription, qu'ils étaient donc un véritable danger. Ils ont provoqué aussi la chute de nombreux sultans, donc y compris de Selim III. Donc, ça fait combien de morts, ça, les janissaires ? En ce qui concerne les janissaires, bah, écoutez, il me semble qu'à l'époque, ils étaient environ, en 1826, 140 000, et que 120 000 ont été donc éliminés. C'est-à-dire, c'est ceux qui étaient à Istanbul. Ouais. Donc souvent, on en parle de manière générale, c'est-à-dire qu'on avait aussi des janissaires qui se trouvaient ailleurs dans l'Empire ottoman, et là, le processus a été moins radical. C'est comme ça qu'en 1830, au moment de la prise d'Alger, parce qu'Alger va quitter l'Empire ottoman auquel il n'appartenait que symboliquement, les Français trouvent des janissaires en face d'eux, des survivants. Quoi. Oui, voilà. Hein. Et donc l'exemple extrême, ce sont les Bosniaques qui ont résisté pendant 7 ans à l'abolition du corps des janissaires. Transformation de l'armée, avec essai d'introduction, vous avez prononcé le mot, on y reviendra, de la de la conscription, transformation de trésor public, qui est toujours exsangue, hein, par définition, dans l'Empire ottoman, transformation du corps des fonctionnaires, et vont arriver maintenant en rafale des textes, des rescrits, des chartes, dont l'un est pris à la Maison des Roses, en 1839. La Maison des Roses, c'est en contrebas du palais sur la péninsule. Oui, du palais de Topkapı, c'est donc sa roseraie. Ouais. Et voici que fleurissent des articles émancipateurs dans cette charte. Tout le monde sait que dans les premiers temps de la monarchie ottomane, les préceptes glorieux du Coran et les lois de l'Empire étaient une règle toujours honorée. En conséquence, l'Empire croissait en force et en grandeur, et tous les sujets, sans exception, avaient acquis au plus haut degré l'aisance et la prospérité. Depuis 150 ans, une succession d'accidents et des causes diverses ont fait qu'on a cessé de se conformer au code sacré des lois et aux règlements qui en découlent, et la force et la prospérité antérieure se sont changées en faiblesse et en appauvrissement. C'est qu'en effet, un empire perd toute stabilité quand il cesse d'observer ses lois. Ces considérations sont sans cesse présentes à notre esprit et, depuis le jour de notre avènement au trône, la pensée du bien public, de l'amélioration de l'état des provinces et du soulagement des peuples n'a cessé de l'occuper uniquement. Or, si l'on considère la position géographique des provinces ottomanes, la fertilité du sol, l'aptitude et l'intelligence des habitants, on demeura convaincu qu'en s'appliquant à trouver les moyens efficaces, le résultat, qu'avec le secours de Dieu nous espérons atteindre, peut être obtenu dans l'espace de quelques années. Ainsi donc, plein de confiance dans le secours du Très-Haut, appuyé sur l'intercession de notre prophète, nous jugeons convenable de chercher, par des institutions nouvelles, à procurer aux provinces qui composent l'Empire ottoman le bienfait d'une bonne administration. Ces institutions doivent principalement porter sur trois points qui sont, premièrement, les garanties qui assurent à nos sujets une parfaite sécurité quant à leur vie, leur honneur et leur fortune. Deuxièmement, un mode régulier d'asseoir et de prélever les impôts. Troisièmement, un mode également régulier pour la levée des soldats et la durée de leur service. Alors les puissances occidentales, l'Angleterre en l'occurrence, qui a pu jouer un rôle dans la rédaction de cette charte, observent une sorte d'alignement sur les principes du reste de l'Europe. Mais ce qui est quand même frappant, c'est que est appelée à la rescousse du sultan l'intercession de notre prophète, la tradition de l'Empire, le Coran. Il y a une sorte de dualisme que les Occidentaux ne lisent pas quand ils observent ce texte. Oui, tout à fait. Donc il y a une double source d'inspiration qui va aussi justement puiser dans le Coran, dans la charia. Cette référence donc à la justice, donc est implicitement, justement renvoie aussi implicitement à cette référence au Coran, qui est vu aussi entre guillemets comme une forme de constitution. Donc on a deux sources de renouvellement donc pour l'Empire, et ça va être aussi toute cette complexité qui va être difficile à gérer. Et c'est vrai que souvent donc on a tout naturellement, surtout pour la France et les Français, vu le regard porté vers la Révolution française, etc., et vu tous les rapports quand même très riches qu'il y avait entre la France et l'Empire ottoman. Oui, mais la pluralité des sources de renouveau est à considérer. Bien sûr. Le renouveau, ça passe par des textes qui se succèdent, les Tanzimat. En 1854, une guerre entre les Ottomans et la Russie est arbitrée par la France et l'Angleterre, qui protègent l'Empire ottoman. C'est une alliance tripartite, et l'Empire ottoman s'en sort grandi et y est réintroduit dans le concert des nations. Et le dernier grand texte, le grand décret sur les réformes de 1856, vient clore cette première phase de transformation. Oui, tout à fait. Donc, ce rescrit impérial de 1856 est adopté à l'issue donc de la guerre de Crimée. Donc, comme vous l'avez dit, c'est le seul moment au XIXe siècle où donc l'Empire ottoman va être l'allié de la France et de la Grande-Bretagne, qui vont se porter donc garante de son intégrité territoriale et qui cherchent en fait à limiter l'avancée de la Russie. Alors, ce rescrit est adopté avant le traité donc de Paris. quelques mois auparavant. Et donc c'est très important justement de noter cette source, justement ce texte qui, contrairement justement à la proclamation de 1839, donc il s'inscrit donc dans le droit fil de cette déclaration, mais il va la transcrire en droit positif. Donc là, de ce point de vue-là, c'est révolutionnaire. Alors par exemple, en ce qui concerne l'égalité des sujets entre musulmans et non-musulmans, on abolit justement toute différence de statut, alors qu'auparavant c'était le statut justement de minorité protégée, donc de dhimmi pour les populations non-musulmanes de la religion du livre. Quoi. Alors les Occidentaux se félicitent, enfin ils voient pas que les sujets musulmans sont soumis à la conscription, qui est très discutée, que les sujets non musulmans ne le sont pas, et que ça c'est un motif d'inégalité de fait. L'Empire ottoman, il faut toujours le considérer, Odile Moreau, vous répétez ça dans votre livre, chez Armand Collin, dans sa bipolarité, dans sa diversité, une des capitales en est le Caire, même si le Caire cherche, avec ses pachas, à prendre son indépendance. Voici un chanteur égyptien, Mohamed Tarwat, qui est enregistré ici à l'Institut du Monde Arabe. الدنيا ليل والنجوم طلعت نورا نجوم تغري النجوم من حسن منظرها الدنيا ليل والنجوم طلعت نورا نجوم تغري النجوم من حسن منظرها La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. L'Empire ottoman, à la recherche de sa grandeur au XIXe siècle et dans l'Empire ottoman, l'Égypte, qui est quasi indépendante et dont les pachas veulent établir une dynastie avec leur famille. On parle de Moubarak qui vient de mourir comme d'un dernier pharaon. C'est un pacha du 19e aussi, à sa manière. C'est pas rien, les pachas du 19e. Le pacha d'Égypte du 19e, il règne pas que sur l'Égypte. Ah oui, tout à fait. Non, les pachas, c'est vraiment donc un. Ils ont aussi une double fonction, pas seulement militaire, mais aussi civile. Ce sont donc des personnages absolument incontournables. Et en ce qui concerne l'Égypte, c'est un cas tout à fait particulier dans l'Empire ottoman. Alors évidemment, ce qui a été quand même assez un électrochoc pour l'Égypte, ça a été l'expédition d'Égypte de Bonaparte en 1798, et donc Mohamed Ali qui au départ et un gouverneur, donc un pacha, mais un gouverneur ottoman lui-même, et il faut le dire, n'est pas donc égyptien d'origine, mais il est donc albanais, originaire de Macédoine, et il va chercher à pérenniser sa situation, parce que les pachas, ils sont en poste pour 3 ans, 4 ans, et ensuite on va les muter, et il va donc chercher à défendre donc sa province, et donc notamment il va s'imposer lui-même face aux Mamelouks, qui sont un petit peu l'équivalent des janissaires au centre de l'Empire ottoman. Donc il les écrabouille, et puis il va conquérir le Soudan. Grande réserve d'esclaves, notamment. Et puis le Hedjaz, c'est lui qui en assure la protection avec les lieux saints. Alors, est-ce qu'il y a chez les pachas d'Égypte ou autour d'eux, le même dynamisme de réforme? Ah oui, tout Istanbul. À fait. Justement, ce qui est tout à fait intriguant dans ce cas, c'est que la province égyptienne a réussi sa réforme avant le centre de l'Empire. Et elle arrive à réaliser donc la mise sur pied d'une armée de conscription dès 1815. Et donc Mohamed Ali et la province d'Égypte deviennent absolument incontournables pour le sultan Mahmoud II, qui n'arrive pas à gérer donc les périls. Et il doit donc lui demander son appui. Et notamment, ça va être le cas pour arriver à réprimer les insurrections. Donc, en Grèce. Au Hedjaz, notamment. Au Hedjaz, et ensuite en Grèce. La réforme militaire, d'accord, mais la réforme politique. On voit que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, il y a un essai constitutionnel en Égypte. C'est plus tardif, donc la constitution égyptienne, elle va être adoptée après la constitution ottomane en 1882. Donc il n'y a pas cette dimension projet de réforme de l'État et de la société. Donc par contre, en Égypte, il va y avoir une restructuration donc de l'agriculture, la mise sur pied donc de firmes d'État, etc. Un aspect économique qui va être développé. Multipolarité, vous vous intéressez beaucoup à la Tunisie et en Tunisie, à la régence de Tunis, dans les années 1850-1860, là, pour le coup, de manière précoce, il y a un essai de constitution, avec la possibilité même d'envisager la destitution du bey. On va entendre un texte d'un réformateur tunisien qui s'appelle Kéredine, qui est un personnage extraordinaire. Alors voilà un garçon qui est vendu comme esclave, oui. Vient du Caucase, il se retrouve chez un Cadi à Istanbul, qui le forme, il est revendu, le voilà à Tunis, il est éduqué à Tunis. C'est des ascensions comme il s'en est produit beaucoup. Celle-ci est quand même de caractère un peu exceptionnel, mais... Oui, mais donc ça pouvait être relativement courant. Donc ensuite, le personnage de Kéredine est extraordinaire. Donc en l'occurrence, quand il arrive à Tunis, il va être élevé comme un mamelouk au palais et il va ensuite fréquenter l'école militaire du Bardo et va avoir une trajectoire de pacha, de général. Et il va être un lien entre justement l'Empire ottoman, la Tunisie et l'Europe et la France. Un livre de lui sur les réformes nécessaire à l'Empire ottoman, avec des remarques intéressantes sur l'attente ambiguë des puissances du reste de l'Europe. La voie libérale et les réformes salutaires ont sensiblement amélioré les affaires de l'Empire et augmenté le bonheur des sujets, de sorte que tout homme impartial qui comparera l'état de choses actuel avec celui qui précédait ces réformes sera forcé de reconnaître qu'elles ont produit de bons résultats. Mais un certain nombre de musulmans, d'accord avec les sujets non musulmans de l'Empire, trouvant ces réformes insuffisantes, réclament incessamment la liberté la plus large pour contrôler les actes de gouvernement, en vertu d'institutions que devrait établir et sauvegarder une assemblée composée de membres élus par la nation tout entière. Et dans ces derniers temps, si l'on en croit les feuilles publiques, ils auraient accentué leurs prétentions avec un redoublement d'énergie. D'autres gouvernements européens disent au sujet des pays musulmans où des institutions sont en vigueur, la liberté dont on vous a gratifié est incomplète. Elle n'est pas suffisante pour garantir et sauvegarder vos droits, vous devez en réclamer l'extension. Et ils tiennent ce langage, quoiqu'ils sachent qu'en réalité cette liberté qu'ils déclarent insuffisante pour les autres est beaucoup plus grande que celle qu'ont pu obtenir d'eux leurs propres sujets. Après cela, et en présence de ces contradictions, il faut nécessairement admettre que les gouvernements dont nous venons de parler ne peuvent avoir, en donnant ces conseils, d'autre but que d'entretenir le mécontentement et l'agitation dans les pays musulmans, pour en empêcher le progrès et la régénération. Ce qui veut dire en substance que si les gouvernements européens appliquaient les principes d'égalité qu'ils attendent de l'Empire ottoman, ils mériteraient davantage de considération, mais enfin ce qu'ils guettent, c'est l'affaiblissement. Parce que c'est inconcevable pour les Européens qu'il y ait encore un État musulman quoi, en Europe. Il me semble justement que la préoccupation, c'est surtout aussi la préoccupation de la protection des sujets non musulmans. Et donc on est dans une situation qui est quand même assez délétère en général. Quoi. Et donc forcément, c'est aussi assez... Il y a des répercussions très importantes sur donc ces populations qui sont à l'articulation avec les activités et aussi donc les intrigues des différentes puissances. Ouais. On va pas raconter la période 1860-1870. Si on osait la comparaison, on parlerait de montagnes russes. Mais enfin, les Russes sont les principaux adversaires des Ottomans. Il n'en reste pas moins que une constitution est proclamée et un parlement réuni avec 71 délégués musulmans, 44 députés chrétiens, 4 délégués juifs. C'est en 1876-1877. Alors, toujours un point de vue occidental, peut-être celui de François Georgeon, qui se félicite de cette initiative, se désole de sa fin. ce premier parlement de 1877-78, une assemblée très colorée et très bigarrée, puisqu'il y avait des gens qui appartenaient à toutes les régions de l'Empire, qui parlaient des langues assez diverses, si vous voulez. Donc c'était quelque chose qui était assez spectaculaire comme assemblée. Lorsqu'on lit les débats de cette assemblée, on est étonné de la qualité intellectuelle de ces députés qui n'avaient pas été formés pour cela, bien sûr, si vous voulez, mais qui avaient généralement des positions dans l'administration ottomane, qui étaient des notables pour la plupart. Bien entendu, cette assemblée n'était pas élue au suffrage universel, mais elle était quand même assez représentative de la diversité de l'Empire, l'idée de l'Empire ottoman, l'idée qu'il faut défendre l'Empire et le développer face aux dangers qui le menacent. Eh bien, cette idée, elle est tout à fait exprimée aussi bien par les députés musulmans que par les députés grecs ou arméniens ou juifs que l'on trouve dans cette assemblée. Et ce début de parlementarisme était quelque chose de tout à fait important, me semble-t-il, non seulement pour l'Empire ottoman, mais probablement pour l'ensemble du Moyen-Orient, et peut-être d'ailleurs pour les pays musulmans au-delà. D'une certaine façon, je crois que là, il y a un rendez-vous manqué avec l'histoire. Oui, d'accord, mais Odile Moreau, si on veut être complet, si le sultan Abdulhamid II, qui arrive dans ces années-là au pouvoir, dans des circonstances rocambolesques, va dissoudre le Parlement, renoncer à cette politique d'état de droit, c'est que banqueroute financière, révolte partout, les réformes n'ont pas abouti au résultat espéré. Donc effectivement, les années 1875-1876 sont extrêmement agitées. Donc vous l'avez dit, il y a cette banqueroute. En 1876, donc il y a une instabilité politique avec trois sultans qui se succèdent la même année. Abdulaziz est déposé justement par une coalition de militaires et de civils. Et cette constitution arrive à la fois donc comme l'aboutissement des revendications de la première génération intellectuelle des jeunes ottomans qui demandent à ce que le peuple soit associé à la prise de décision, même si bon cette première constitution était quand même très édulcorée. C'était le sultan qui en fait gardait l'essentiel des pouvoirs et pouvait n'était pas responsable devant le parlement, donc c'était quand même tout à fait acceptable pour le sultan. Donc cette guerre face à la Russie, ouais, parce qu'une nouvelle guerre éclate, qui est perdue, et les Européens qui veulent contenir les ardeurs russes organisent une conférence à Berlin, et voilà que 5 millions d'Ottomans ne le sont plus et que 200 000 km² sont perdus, quoi. 1878, c'est la fin de l'espoir des réformes. Oui, tout à fait. Et donc, ce qui est tragique dans cette constitution, c'est que justement, elle a été proclamée au matin même de cette conférence d'Istanbul du 23 décembre 1876. Et alors que les Ottomans s'attendaient à ce que les Européens disent, ben voilà, finalement, il va y avoir une représentation. Et donc, ça va désamorcer tous ces problèmes. Il n'en est rien. Et donc, en temps de guerre, le sultan Abdulhamid estime qu'il n'est pas acceptable qu'il y ait des débats au sein du Parlement, que lui-même soit critiqué, etc., et va suspendre donc cette constitution en 1878 en raison de la guerre. Mais le problème, c'est qu'ensuite, la guerre terminée, il ne va pas la rétablir. Et ça va devenir vraiment un moteur puissant, justement, pour la deuxième génération d'intellectuels, les jeunes turcs, pour rétablir demain la constitution. Odile Moreau, on suspend, en évoquant le début d'un règne de 33 ans, d'un sultan, comment dire, retardateur, qui abolit l'ébauche d'état de droit, parce que selon lui, il y a, dans l'Empire ottoman, état d'urgence. Alors cette émission était préparée par Elinka Negulesco, Pauline Laverdure à la technique, et Audrey Ripouille à la réalisation.